Page 119. Activité 4. Piste 107. A. La voiture. B. Le bus. C. Le train. D. Le vélo. E. Le scooter. F. L'avion.